de novembre. J'ai les mains qui tremblent, le désarroi. Dans le regard de mon homme, dur de comprendre. Pourquoi j'ai le corps qui danse, le désespoir. J'ai l'air bizarre, mais je n'arrive pas.